Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 241. Content de vous retrouver pour cette émission spéciale Halloween 2025 avec un cadeau, la masterclass lors de sa venue d'Alexandre Aja, le maître de l'horreur internationale et fils du réalisateur Alexandre Arcadi, qui était présent à Tours lors du second festival Mauvais Tour 2025 que j'ai eu l'honneur de pouvoir couvrir pour la seconde édition. Et le réalisateur va nous parler donc de sa carrière à travers des anecdotes qui vont jalonner ses rencontres et influences avec des questions pertinentes, bien sûr, de Nicolas Martin, l'un des deux programmateurs organisateurs du festival, qui est lui-même un féru de films de genre et de l'imaginaire, puisque c'est eux qui sont les deux programmateurs avec Simon Rouault de ce festival. Nous allons vous faire découvrir les moments privilégiés, les souvenirs qu'Alexandre Aja a bien voulu partager avec nous, notamment sur la Touraine. Hein, oui, et on peut dire qu'on a eu de la chance puisque Alexandre Aja connaît très bien la Touraine. On verra d'ailleurs dans l'interview, il en parle à un moment. Et puis, un petit peu comment se sont faits ses goûts cinématographiques, spécialement pour l'horreur. Et puis, on parlera aussi avec quelques films à voir en cette période d'Halloween. Mais l'important, c'est d'écouter Alexandre Aja. Et c'est vraiment une chance qu'on a eue hein, d'avoir ce personnage très sympathique nous parler de sa profession et puis de tous les aléas. C'était vraiment très intéressant. Je vous conseille, on fera un spécial cinéphage Mauvais Tour. On reviendra sur les films qu'on a vus. Mais là, c'est vraiment intéressant pour vous de découvrir Alexandre Aja tel qu'il est. Eh bien, on commence par un premier petit extrait de cette interview qui se passait juste au conservatoire, juste à côté des cinémas studios qui accueillaient le festival. C'est ça le deal. Donc, on va essayer pour la masterclass de se concentrer voilà, sur la fabrication, sur ta pratique, sur comment elle est, comment ça a évolué et le regard que tu portes aujourd'hui sur ton travail. Mais pour commencer, bien évidemment, il y a une personne très très importante dans ta carrière cinématographique, c'est la rencontre avec Grégory Levasseur très tôt au collège. Il paraît que vous avez les caves du Vouvray n'ont pas de secret pour vous. Mais alors, les caves, peut-être pas parce qu'on était vraiment, c'était 11 ans, 12 ans, 13 ans. Mais non, c'est vrai, il avait une maison de famille à Vouvray. Et on a passé pas mal de vacances donc ici, à regarder beaucoup de films. Il y avait un petit vidéoclub qui n'était même pas un vidéoclub, juste à côté, où en fait toutes les jaquettes étaient dans une sorte de grand classeur comme ça. On a évidemment absolument vu les 300-400 films qu'il y avait. Et puis après on venait ici pour le vidéoclub. Et c'est vrai que ça a été voilà, les années collège, lycée. Évidemment, un petit peu une source pour haute tension, parce que maison isolée, au milieu des champs, voilà, c'était évidemment plein de... Ça développait l'imagination. Alors justement, l'imagination, moi je suis toujours intéressé sur d'où ça vient, est-ce qu'il y a un point de départ, est-ce qu'il y a une étincelle qui allume la mèche. Tu dis, alors j'ai fait un peu de digging hein, dans tes vieilles interviews, je loue Shining par accident à 7 ans et je découvre le pouvoir des images. Je sais que j'aurais dû l'arrêter, mais je ne peux pas bouger. Ce sentiment d'être complètement avalé par l'image va me pousser à faire ce cinéma-là. Tu peux nous raconter cette expérience? C'est un trauma complet, ce Shining, il y a 7 ans? C'est vraiment un trauma, mais en même temps... très jeune, 7 ans pour Shining. Hein. Oui, mais alors, j'ai beau, en fait, pour des raisons personnelles, j'ai aucun doute sur l'année, parce que je... Bon, bref, c'est des trucs famille. Voilà. Et je sais que j'ai un vidéoclub rue d'Alésia, où j'habite. Et je vais à ce vidéoclub seul, je passe beaucoup de temps à regarder, et c'est vrai que je me souviens d'avoir loué, donc c'était Superman 2 ou 3, et d'avoir eu la mauvaise cassette, en fait, les jaquettes sont vides, les boîtes sont vides, et donc la cassette a été mise dedans par accident, et c'est vrai qu'il y a eu un truc où je commence à regarder le film, je sais très vite que c'est pas Superman, et il y a un problème, mais en même temps, le début de Shining, il n'est pas ultra traumatisant, mais il se passe quelque chose avec la musique, plein d'hélicoptères, le climat, Nicholson dans la voiture, doublé par Trintignant. Donc un double Nicholson. Vraiment très... Double impact. Un double impact, exactement. Non, mais je suis un grand défenseur. Moi, j'adore la version française d'Orange Mécanique et de Shining, parce que Trintignant fait un travail exceptionnel pour Malcolm McDowell et pour Nicholson, où on a vraiment un truc en plus. Voilà. Donc je regarde le film, et le film est évidemment pas du tout, quelque chose que je comprends, en fait. Il y a une sorte de grammaire de l'image, où j'ai jamais vu des films comme ça encore, et plus j'avance, plus je sais qu'il faut que j'arrête, mais je ne peux pas. Il y a ce côté un petit peu Elliot dans E.T. où on est paralysé, la voix ne sort plus, et c'est la vraie terreur nocturne, mais éveillée devant un magnétoscope. Et c'est quelque chose qui, évidemment, a réveillé, ou qui a développé. J'étais assez créatif, je faisais beaucoup de cauchemars et tout ça, donc ça a continué à développer. C'est sûr que ça m'a orienté quelque part vers ce cinéma. Tu dirais que justement c'est quelque chose que tu as essayé de recréer, c'est-à-dire cet état de stupeur, de stupéfaction, de se rendre compte qu'en fait quand on a peur, on s'enfuit pas, on est paralysé et on meurt, en fait. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça, et c'est surtout où tu trouves l'instinct d'aller arrêter ou de continuer à regarder et de dépasser ta peur. C'est toutes ces questions qui commencent à ce moment-là et qui sont... ce qu'on essaye évidemment de recréer dans les films ou dans certaines scènes, on essaye toujours de, pas de choquer pour choquer, mais de créer une sorte de... Il y a une grande différence quand on raconte une histoire qu'on imagine avec nos propres images et des images qu'on nous impose. Et les images qu'on nous impose, elles créent une sorte de choc parfois, parce qu'on ne s'attend pas à une image comme ça. Et c'est ça aussi le cinéma, c'est-à-dire c'est d'essayer de trouver des images qui, si on te racontait la scène, tu te dirais « Ah ouais, c'est horrible », mais tu réussirais à l'adoucir quelque part avec tes propres images. Mais si on t'impose des images que tu n'attendais pas, c'est là où ça devient peut-être plus intéressant, et ça ouvre en fait ton champ, parce que ces images deviennent les tiennes, et en découle une autre vision, d'autres idées, et une autre imagination qui se crée. Ça fait penser comme ça très spontanément à la brutalité extraordinaire d'ouverture de Haute Tension. Alors il y a Furia avant, mais Haute Tension c'est le premier gros projet que tu mènes, que tu écris avec Grégory. Ça participe de cette intention, c'est-à-dire de pousser immédiatement les potards extrêmement loin, à une époque où c'est plus tellement l'habitude de l'horreur d'aller dans cette brutalité immédiate. C'est presque une réaction, parce qu'il y a un décalage fin des années 90, on se retrouve à avoir peu de plaisir au cinéma, sur les cinémas de genre et d'horreur. En fait, on est vraiment dans une sorte d'ère post-scream, où il y a beaucoup d'ironie dans le slasher et de répétition. Et finalement, les vrais chocs, nous, on les retrouve avec les VHS, avec les films des années 70-80, avec le Wes Craven, non pas de Scream, mais de La Dernière Maison sur la Gauche, avec le Toby Hooper de Massacre à la tronçonneuse, avec le William Stick de Maniac. Et c'est tous ces films-là qui nous amènent une sorte de vrai... on parlait du choc de Shining avant, qui nous amène ces mêmes sensations. Donc évidemment, quand avec Greg, on se dit qu'on a envie de faire un vrai film de terreur et de peur, et qu'on commence à penser à Haute Tension, évidemment, on revient sur ce cinéma-là. Et on ignore en fait tout ce qui est en train de se faire, et on se dit finalement, est-ce que cette lettre d'hommage, ou ce message dans une bouteille à ce cinéma-là, est-ce que ça passera encore aujourd'hui? Nous, en tant que spectateurs, on a vraiment envie de retrouver ça sur un grand écran. Donc, on a essayé, et puis il s'avère que ça a marché, mais c'était pas une évidence, parce qu'en effet, c'était pas un cinéma qui existait à ce moment-là avec la force de cette époque. Pour suivre ce fil de Haute Tension, donc encore une fois, c'est un premier projet, on met beaucoup de choses dans un premier projet parce qu'on ne sait pas s'il y en aura un suivant. Moi, j'ai le souvenir, c'est rigolo, parce qu'il y a quelqu'un au premier rang, on l'a vu à JC Orient Express avec Thomas Cotto qui est ici, on était mort de trouille. Tu sais, le JC Orient Express à Paris, il y avait le RER qui passait en dessous. Ça faisait 4 DX en réel. Oui, oui, pour une salle qui était même pas en stéréo. Quoi. Ouais. qui était la pire salle avec celle du Rex. Le Rex avait une salle aussi atroce qui était les dernières salles. Alors, heureusement, Orient Express n'existe plus. Bah, néanmoins, ça marche très fort et. Dès le départ, tu as cette volonté, parce qu'il y a plein d'hommages, mais il y a le remake de la scène de Maniac, qui est certainement un des moments les plus forts de la scène donc où Philippe Nahon pousse les pops. Dès le début, c'était tout de suite, tu l'as voulu, pourquoi ce film-là déjà? Pourquoi pas rendre hommage à Shining ou, Haute Tension a commencé avec plusieurs différentes directions. Mais une des directions, c'était cette scène-là, en particulier de Maniac, où on avait l'impression qu'il y avait non pas juste un suspense qui continuait, un petit peu à la Brian De Palma, Dress to Kill, où il y avait une sorte d'extension du temps, et c'est ça où le cinéma peut être formidable parfois, c'est justement de créer une scène qui fait quelques secondes, où on va traverser un couloir, d'en faire quelque chose de beaucoup plus long et de pesant. Mais c'était surtout le sentiment dans le film de Lustig où on pensait que ça allait, on pensait qu'il allait être là, et puis il est jamais là, et on repousse. Et c'est vrai que ce sentiment-là, ce stress qu'on a ressenti quand on a regardé Maniac pour la première fois, on avait envie d'en faire un film entier. Voilà, c'était l'ADN qu'on cherchait pour créer Tension. Autre image dont tu parles, fondatrice, les nazis qui fondent dans l'Arche perdue. Alors ça, c'est quelques années avant Shining. Donc, mais tu as commencé vraiment tôt. Hein. Ah ouais, non, mais ça, c'est un accident. J'ai pas vu le film entier, je suis vraiment... C'est-à-dire que j'ai poussé la porte où il y avait des ados beaucoup plus vieux que moi qui regardaient l'Arche perdue. Et je suis arrivé au moment où les visages fondent. Et je me suis retrouvé bloqué, c'est vraiment que ça m'a pas mal traumatisé aussi à ce moment-là. Mais bon, voilà, il y a des images comme ça où je pense qu'on a tous eu une expérience, c'est ce moment où en fait on est confronté à des choses qu'on n'arrive pas à interpréter et qui vont rester comme ça ancrées et gravées dans notre mémoire. Le double accouchement dans la série V où il y a le lézard qui sort. Quelques mauvaises nuits après. C'est intéressant parce que dès Haute Tension, il y a aussi quelque chose d'assez singulier dans ton cinéma. Tu parles aussi de la sorcière de Blanche-Neige, on ne peut pas non plus faire de la psychanalyse tout de suite, mais Haute Tension, Oxygène, Kroll, Motherland, beaucoup d'héroïnes dans tes films. Et tu dis dans une interview vraiment qu'il y a quelque chose qui, en toi, dans ces personnages-là, transcende le genre. Pourquoi est-ce que tu t'écris plus facilement? Pourquoi tu as plus envie de donner le lead à des personnages féminins qu'à des personnages masculins? Est-ce que tu as des pistes là-dessus? Alors, c'est une question à laquelle je n'ai pas une vraie réponse. Parce que c'est une question que je me pose encore aujourd'hui, beaucoup. Et je me la pose avec beaucoup d'honnêteté sur la place de la complaisance dans le choix d'une héroïne féminine. Et le rôle d'une héroïne féminine dans le cinéma de genre en général. Mais bon, ça c'est presque un sujet à part et une autre conversation. Et je suis pas sûr d'être la meilleure personne pour être au cœur de cette conversation. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours identifié et j'ai toujours adoré que ce soit Ripley ou Clarisse. Vraiment, c'est des personnages qui pour moi étaient les meilleurs dans le survival. Évidemment, il y avait aussi Délivrance, il y en avait d'autres, mais il y avait quand même une force, une résilience que je trouvais plus qui avait plus de un éventail d'émotions, un panorama émotionnel, oui. Voilà, le range était beaucoup plus important, et c'est quelque chose qui était un peu une évidence, que je n'ai pas vraiment questionné. Mais je ne me suis jamais mis dans une position Oui, c'est tellement, ouais, c'est presque un exercice. Je sais qu'il y a beaucoup de réalisateurs et beaucoup de cinéastes de genre qui mettent le personnage féminin comme proie au cœur vraiment d'un voilà, que ce soit même Hitchcock. Hein, j'ai jamais eu vraiment ce sentiment de le faire de ce sens-là. Beaucoup de projets dont on parle me sont arrivés écrits en termes de scénario où le personnage était déjà un personnage féminin. Mais aujourd'hui, je me pose quand même la question, je me dis, voilà, même si j'ai essayé de ne pas tomber, parce qu'on est quand même dans une sorte de monde ou d'industrie, où par exemple, quand j'étais en train de faire Crawl, les producteurs et même le studio, et pas simplement des mecs, mais aussi des femmes, me disaient, mais c'est pourquoi elle n'a pas un débardeur, pourquoi elle n'est pas plus sexualisée et c'est quelque chose auquel j'ai résisté, parce que je pensais que c'était important que ce personnage-là, en tout cas, il ne savait pas sa place dans ce film, pour qu'elle soit sexualisée dans ce sens-là. Mais ça continue, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment... Et donc, je me questionne, et je questionne aussi ce cinéma sur cette ambivalence, sur d'abord, évidemment, ce désir de résilience, mais aussi, parfois, peut-être, ce regard sur... comment dire, de voir la souris dans le labyrinthe. Première bande-annonce musicale, eh bien, c'est celle d'un des films dont il parle dans l'interview, c'est Haute Tension, un de ses premiers films. C'est le titre Question du fameux groupe System of a Down. Yeah. Eh bien, retour de ce cinéphage spécial Alexandre Aja avec l'interview qu'il nous a donnée lors de sa masterclass pendant le festival Mauvais Tour. Il y a ceci de passionnant finalement avec la peur, avec l'épouvante, c'est que, d'ailleurs, d'une certaine manière, un peu comme le rire, la peur est individuelle. On n'a pas tous peur des mêmes choses, on a chacun nos peurs, alors il y a quelques peurs universelles, bref. C'est quoi la tienne? C'est quoi? C'est la sorcière, sa possession? Moi, c'est l'homme à la hache, par exemple. Moi, quand j'étais petit, j'avais peur qu'il y ait un mec qui vienne avec la barre, c'est Anthropophagus, celui du Trotto, qui massacre mes parents. Grâce à la messe, d'ailleurs, c'est le curé qui racontait que les gens s'étaient fait tuer. Tu sais, qu'il n'y avait pas de. Oui, bien sûr. Je mets juste un. C'est quoi la tienne? Moi, j'en ai eu beaucoup aussi. J'ai eu beaucoup de choses liées à des Deuxième Guerre mondiale, de trucs horribles, de tri, de, évidemment, de côté un petit peu holocauste, c'est vraiment traumatisant en termes de récit quand on est vraiment petit. Derrière, c'est des peurs où, bizarrement, j'ai l'impression que je suis une meilleure cliente sur le surnaturel que sur le réel, alors que j'ai fait beaucoup plus de réel que de surnaturel. Mais je continue quand même. Hier, quand je suis rentré, après la soirée, à l'hôtel, j'ai pu regarder sous le lit. Ah oui, donc les peurs continuent à être très présentes dans ta vie. J'ai quand même besoin de vérifier. Quoi, Donc le monstre sous le lit, c'est une chose. Ouais, le monstre sous le lit, ou juste quelqu'un sous le lit. Hein. Oui. ça continue à. Mais bon, c'est rien. Hein, c'est, tu regardes, bon. Derrière le rideau, dans la lumière allumée, voilà, avec rideau, de la musique. Rideau, placard, lit, toutes les pièces, voilà. Tu tends des fils, avec des pièges à clous. Un peu de verre. Est-ce que tu es effrayé par ce que tu tournes? Est-ce qu'il y a des scènes, par exemple, de toutes les scènes que tu as tournées, est-ce qu'il y en a une qui te font encore la trouille aujourd'hui? Alors, pour être honnête, je ne crois pas que j'ai... au tournage, parce que c'est tellement particulier un tournage, j'ai vu des acteurs, et en particulier pour avoir travaillé beaucoup avec des enfants, où la frontière entre le réel et le tournage, entre le tournage et l'imagination, en tout cas la projection du réel qu'on peut créer justement sur un tournage, est devenue trop fine, on a dû arrêter de tourner, on a dû rassurer. Les enfants, parce que c'était trop intense. Moi, j'ai une telle pression de la montre, de l'équipe, de finir, que c'est très difficile. Alors, je sens quand quelque chose marche, je vois que ça peut marcher, je vois quand je saisis une expression ou une interprétation de jeu qui me semble authentique, où là j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui joue à avoir peur, mais qui a vraiment peur. Donc ça c'est plutôt, ça marche. Mais j'ai le sentiment de peur, je l'ai plus à l'écriture. Quand je suis seul à écrire, évidemment, il y a des moments où je vais pouvoir me faire un peu peur tout seul. Voilà, mais parce que, évidemment, je suis plus dans une introspection dans l'écriture qui me pousse à percevoir en fait ce que j'écris d'une manière plus réaliste. Et justement, c'est intéressant ça, puisque tu l'évoques. Comment est-ce que, puisque évidemment, ce qui est l'un des leviers des mécaniques de la peur au cinéma, c'est l'empathie qu'on a avec le personnage qui est effrayé. Comment est-ce que tu travailles ça avec des comédiennes ou avec des comédiens? On sait que dans l'histoire du cinéma d'épouvante, il y a des méthodes plus ou moins brutales pour que les comédiens soient sous tension jusqu'à des extrêmes comme Shining, etc. Comment toi, tu t'appréhendes ça justement avec tes équipes d'actrices? Tous les acteurs et actrices sont vraiment différents, et je pense que le rôle d'un réalisateur, c'est de identifier, pas trop tard, d'identifier le plus tôt possible quel genre de méthode va marcher avec quel acteur. Il y a des acteurs à qui il faut montrer physiquement, même si on est un très mauvais acteur soi-même, ce qu'on attend, une idée, voilà. Il y a des acteurs qui ne suivent leur... Le déplacement. Je ne suis pas quelqu'un d'acteur. Mais bon, des fois ça marche. Des acteurs à qui il faut expliquer vraiment les motivations les plus profondes derrière sans parler des dialogues. D'autres à qui il faut dire plus fort, moins fort, plus lentement, plus rapidement. des acteurs à qui il faut rien dire, il faut y attendre le bon moment pour parler, des acteurs qui ont besoin d'une concentration sur le plateau où vraiment il y a besoin, d'autres qui ont besoin de déconner jusqu'au moment où on dit action. C'est vraiment ça aussi de réaliser, c'est de s'adapter aux acteurs à qui, avec qui, parce que c'est eux finalement le film. On a beau écrire le meilleur film possible, on a beau avoir la meilleure lumière possible, les meilleurs effets possibles, si les acteurs ne sont pas bons, il n'y a pas de film. Donc c'est vraiment ça le cœur de ce qu'on raconte, c'est vraiment l'interprétation, parce que c'est pas simplement le monstre ou le danger qui doit faire peur, c'est notre identification avec la personne qui court pour échapper à ce danger qui est le plus important. C'est la massacre à la tronçonneuse et la fuite, tout ça, la fuite perpétuelle. Justement, pour rester sur ces mécaniques de la peur, donc on commence avec Haute Tension, le remake de La Colline des Yeux, où tu cherches vraiment une violence très brute, très explosive, très visuelle. C'était il y a quelques années maintenant. Ça a évolué. Comment tu vois maintenant avec un peu de recul et comment tu continues aujourd'hui à appréhender ce rapport à l'épouvante, puisque encore une fois, c'est plus tout à fait le même aujourd'hui qu'hier. C'est bizarre parce que c'est vrai que La Colline ça fait 20 ans, Haute Tension ça fait encore plus, et j'ai presque l'impression de ne pas les avoir fait. En fait, il y a une sorte de détachement comme ça dans le passé. Donc je les regarde avec plus de recul aujourd'hui. J'ai pas l'impression, parce que souvent on a l'impression qu'on avance et puis on s'assagit, on fait de moins en moins de corps un peu viscéral ou de violence. Mais c'est le sujet en fait. Je pense que si je tombais sur le bon sujet aujourd'hui, et si ce sujet-là demandait un recours à des chocs visuels et de la violence frontale très forte, j'hésiterais pas une seconde. Je ne suis pas dans une sorte de « oh là là, j'étais trop loin à l'époque, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça ». Mais en même temps, c'est vrai que Haute Tension et La Colline étaient... Haute Tension et La Colline font partie presque du même mouvement, en fait. J'ai vraiment... Quand on a commencé à écrire La Colline des Yeux, on était vraiment dans la continuer, en fait, ce qu'on avait commencé avec Haute Tension. Mais du coup, je j'ose une approche un peu analytique ou historique. On a quand même le sentiment, quand on regarde le gradient entre Haute Tension et Motherland, qu'on passe du plein cadre à hors-champ. C'est vrai ou c'est un effet d'optique? Alors, dans Motherland, on est dans le hors-champ, plein pot pour le coup. Oui, mais dans la menace extérieure à l'image. Oui, alors dans le hors-champ, pour d'autres raisons, c'est qu'on est dans les raisons de questionnement de la réalité de ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que c'est pas le même... Encore une fois, un survival, c'est avant tout une expérience. C'est est-ce que vous allez survivre à cette expérience? Et donc, pour survivre à cette expérience, il faut aussi voir ce que voient les protagonistes. Il faut aussi appréhender avec la même réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que l'artifice, il vient de ne pas me montrer ce que le personnage regarde. C'est presque le contraire. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça me raconte autre chose. Donc, oui, il y a un petit peu plus de hors-champ, parce qu'on est plus dans le surnaturel ou dans un autre type de peur. Mais en même temps, sur Crawl, Crawl ne justifie pas non plus un gore extrême, mais en même temps, on ne se retient pas, on y va. Quoi. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir... à épurer en quelque sorte une scène, c'est-à-dire de te retrouver en montage ou en post-prod, te dire « Non, là j'ai poussé les potards trop loin, il faut que je reconstruise, il faut que je supprime, il faut que je sois moins frontal » ou est-ce que tu as des souvenirs comme ça d'un moment ou dans un film où tu as quand même changé in fine ce que tu avais prévu au départ? Alors, La Colline des Yeux, la version qui est sortie au cinéma, elle a été légèrement censurée, 3-4 minutes, ce qui est beaucoup sur un film. Donc la version qui est sortie en Blu-ray, en DVD, bref, qui a été exploitée après, est la version intégrale. Donc oui, à chaque fois, il faut évidemment, il y a la censure a évidemment une place, malheureusement, Et des fois, on est obligé, on n'a pas le choix de devoir couper un petit peu. Mais dans Haute Tension, il y avait un moment où ce qui était prévu, par exemple, quand le petit garçon s'échappe dans le, dans le champ de maïs, il y avait, c'était pas prévu de faire cette lumière dans le champ de maïs qu'on a tourné finalement. Et la scène, c'était lui qui devait arriver, le fusil qui se posait sur sa tête et sa tête qui explosait sur la caméra. Ça répond bien à ma question. Exactement. Donc là, mais on n'a pas tourné la scène, on n'a pas tourné l'explosion de la tête sur la caméra. Mais on a quand même, on s'est posé la question et finalement on en est arrivé à ce flash. On a quand même le canon du fusil qui se pose sur la tête de cet enfant. Et le top shot. Voilà. Donc c'était un autre moment sur la colline où on a eu une idée d'une autre scène pour changer un petit peu dans l'original de Wes Craven, il y avait déjà ces perruches dans la caravane avec le personnage de Lizard qui est un des habitants des collines qui débarquait, qui a attrapé cette petite perruche, qui lui arrachait la tête et qui faisait un jus de perruche pressé. Nous, on avait l'idée que Brenda, la petite sœur, avait peut-être des chatons. Voilà. Exactement. Et donc, on avait cette idée où Lizard rentrait, il n'avait pas de perruche, donc il prenait les petits chatons, il les mettait dans le blender, c'est-à-dire le mixeur, et il versait un peu de lait, et on avait le petit chaton qui grattait la vitre. Partir en Michel. La camise. Voilà. Et on en a parlé avec Wes. Et c'était un peu la limite en fait. C'est bon, c'est pas cher avec toi. Alors, pas loin. Pas loin. Non mais c'était la limite et c'était une limite assez surréaliste parce que son argument c'était mais tu te rends pas compte, il y a des gens qui vont essayer de le faire. Et c'était. On est venu, pourquoi ? Et pas pourquoi pas les perruches ? Donc voilà, donc on est resté sur les perruches. Tu dis dans plusieurs entretiens que globalement tout va mal à chaque tournage. Tu dis, texto, chaque fois que tu crois que quelque chose a fonctionné, c'est le contraire qui arrive. Vraiment ? C'est comme un survival. C'est le principe du bon survival, c'est-à-dire que tu dis, on va prendre la porte qui est là. Pour s'échapper, et évidemment, au moment où on arrive, il se passe un truc qui fait ok, on est obligé d'aller de l'autre côté. Les tournages, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire, alors, peut-être pas de manière aussi catastrophique, mais il y a une intensité sur certains tournages où il faut tenir le temps et il y a des problèmes tous les jours. On parlait du rôle du réalisateur qui est de s'adapter aux acteurs. Un des autres rôles du réalisateur, c'est de régler des problèmes à chaque minute de la journée. C'est-à-dire. La grue marche pas, le projecteur est cassé, il y a une fréquence machin, il est arrivé en retard, le décor s'est flotté et tu peux pas tourner. Bref. C'est cool. Toujours, voilà, il y en a beaucoup. Et le défi, c'est comment transformer un problème, non pas en un compromis, mais en une amélioration. Alors des fois, peut-être qu'on est dans l'illusion, on se dit « Ah, c'est mieux comme ça », c'est peut-être pour se convaincre. Mais des fois, on a vraiment le sentiment, on se dit « Heureusement qu'il y a eu ce problème, parce que j'aurais pas trouvé cette scène sinon. » Alors, incroyable, parce que justement, ma question suivante, c'est est-ce que dans un film, il y a eu justement une panne, une erreur de plan, de tournage, un accident en fait, qui a été fécond, qui t'a gardé, qui a changé un peu ta manière de tourner? Oui, alors le problème à laquelle je pense, c'est drôle parce que je l'ai croisé à Paris à une projection du Dracula de Jean-Jacques Jodet, qui est Gabriel, qui est l'acteur de Bravoure, mais qui est aussi la première victime dans Tension dans la voiture, qui est au début du film, et qu'on revoit à la fin, et qui se fait massacrer avec la scie circulaire. C'est lui qui conduit la voiture. Et en fait, la. Tourelle, comme l'arrosage automatique, avec le sang qui devait. Sprinkler. Le sprinkler, exactement. s'est détaché pendant la prise et en fait a complètement arrosé la caméra. Ce qui n'était pas du tout prévu, la caméra était protégée, donc la caméra, l'objectif a été recouvert de sang. Et donc ça a donné une prise incroyable où finalement le sang a recouvert l'image avant de se dissiper, ce qui donne un subjectif de Mai Wen fabuleux, qui est dans le film et qui marche très très bien. Mais c'était pas prévu, c'était vraiment un accident. La caméra a été complètement imbibée de sang, si bien que quand elle est partie sur un autre tournage, on a eu la production de l'autre film nous a appelé, nous a dit « on a une caméra qui saigne, on a un problème de mécanisme, mais en tout cas, c'était ce genre de... Alors ça, c'est un petit accident. Hein. » Seconde pause musicale, eh bien, ça sera « See you later, alligator » de Bill Haley et les comètes, de son film justement sur les alligators, qui s'appelle « Crawl » et qu'on peut entendre dans la bande originale. See you later, alligator. Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Wait a minute, Gator, I know you mean it just for play. I said, wait a minute, Gator, I know you mean it just for play. Don't you know you really hurt me? And this is what I have to say. See you later, alligator. After a while, eh bien, nous allons continuer avec l'interview d'Alexandre Aja lors de sa masterclass du festival Mauvais Tour de cette année. Un tournage cauchemardesque versus un tournage idyllique. Le pire de tous, les crawls, les 7 tanks, t'as beaucoup dit que ça avait été quand même vraiment très très compliqué. Alors, t'en avais chié. Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il y a un top 3 qui est la colline parce qu'il faisait 50 degrés et qu'on est dans le désert. Le piranha qui a été extrêmement extrêmement difficile aussi physiquement, ouais. Pour quelle raison? Trop de fêtes. c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas pour ça. Non, c'était vraiment aussi la chaleur, l'eau et beaucoup de monde, une tempête qui a cassé tous les bateaux, bref, plein de choses qui vont avec tourner sur l'eau ou dans l'eau. Et évidemment crawl pour les mêmes raisons. C'est vraiment pour moi les trois plus difficiles. Mais après, à chaque fois, les tournages restent compliqués. Après, il y en a quelques-uns qui se sont extrêmement bien passés, où il n'y a pas eu de problème majeur. Comme Hans, il n'y a pas eu trop de problème. À part Radcliffe qui a été malade à un moment donné, c'était pas lui non plus. Voilà. Et puis, non, il y a Drax. Drax, ça s'est bien passé. Never Let Go aussi, c'était plutôt. C'est toujours intense, il y a toujours un challenge, il y a toujours un doute, il y a toujours. C'est jamais. C'est un moment qui est toujours agréable, mais en même temps, c'est vraiment une touche froide à chaque fois parce qu'on a des problèmes et des... Mais il y a une addiction à ça aussi. Hein, donc, une addiction aux emmerdes. Ouais. et à essayer de les régler, surtout. Alors. Il y a quelque chose moi sur lequel j'aimerais t'entendre, c'est que bah, encore une fois la peur c'est une construction, c'est la gestion d'une sorte de métronome, de tempo de la tension qui monte, etc. Et c'est très très particulièrement significatif dans tes films. Comment est-ce que ce tempo narratif tu le travailles? Les silences, les ruptures, c'est dès le scénario, c'est au montage, c'est sur le plateau. Enfin comment tu penses là, c'est monter en tension? De violence et d'épouvante, comment tu les travailles? Bah c'est vraiment au scénario au départ, c'est vraiment sur le scénario, sur l'écriture du scénario, où il faut prendre le temps de, bah, d'écrire en fait l'élongation du temps. C'est des moments très importants où il ne faut pas se dire on fera ça au tournage, il faut au contraire, si la scène doit être lente dans sa construction, dans le suspense, dans la montée de tension, bah, il faut aller chercher tous les inserts, il faut les décrire, il faut avoir ce côté presque une ligne, un plan qui va permettre de visualiser en fait à l'écriture la scène. Ensuite sur le tournage, moi je travaille beaucoup en master, c'est-à-dire que c'est pas des plans séquences, mais je pars du principe que si une position de caméra couvre une action, si cette action-là elle est couverte avant ce que j'avais pensé, et qu'elle continue après, je me dois de tourner en entier, en fait. Donc ça me permet de laisser les acteurs rentrer plus dans leur dans le jeu, mais ça me donne aussi du matériel sous différents angles qui peuvent être assez intéressants. C'est là où, évidemment, ça me donne beaucoup plus de matériel au montage pour pouvoir créer et écrire cette grammaire qui doit à chaque fois un peu se réinventer pour pouvoir surprendre, parce que nous, quand on voit des films, évidemment, on vient avec un bagage de cinéphile. On sait comment ça marche, on sent, on a une sorte d'anticipation. On ne vient jamais voir un film sans rien apporter soi-même, surtout sur le cinéma de peur. Et donc, on a toujours le sentiment qu'on sait ce qui va se passer. Et ça marche quand on est surpris. Et du coup, ce master, tu le tournes juste avec une seule caméra ou est-ce que tu travailles aussi immédiatement sur le plateau avec plusieurs caméras en simultané pour ensuite avoir un peu la main au montage? Alors, j'ai toujours deux caméras, mais j'en utilise deux de moins en moins, en fait. J'ai toujours, au moment où on commence, c'était vraiment une sorte de base de tourner à deux caméras. Mais aujourd'hui, de plus en plus, je travaille principalement avec une caméra, une deuxième sur certains plans, si ça se justifie, et sinon j'envoie cette deuxième caméra faire d'autres choses en même temps. Et est-ce que tu as une scène en tête particulière dans un de tes films qui serait justement une sorte de passage pivot que tu as beaucoup travaillé comme un point de tension, un point de rupture structurelle, tu vois, quelque chose qui ferait vraiment basculer le film? Est-ce que tu as comme ça quelque chose qui te vient à l'esprit? Bah, dans Crawl, en fait, il y avait un défi, c'est-à-dire le film s'inscrivait dans une longue lignée d'héritiers des Dents de la Mer. Et comme beaucoup de ces héritiers, il y en a quelques-uns qui sont très bons, mais énormément de très très mauvais. Et tous ont fait la même erreur de reproduire toujours la même structure. Alors, Crawl et Dents de la Mer n'ont absolument rien à voir dans la structure, mais je parle en fait sur le principe des films de créatures où on va peu montrer, voire rien montrer, et puis à un moment donné, à la fin, on sait qu'on va avoir 10 minutes où on va tout montrer. Ce côté, cette musique, cette petite musique qu'on connaît trop et qui est un peu saoulante au bout d'un moment parce qu'on voit la même chose encore et encore. Et l'idée dans le script de Crawl, c'est qu'à la 12e page, bah, y avait une attaque et c'est pas un monstre extraterrestre ou une créature, c'est un alligator. C'est quelque chose qui existe, qui est là, ça pourrait être un chien, c'est bon. C'est... Et donc, on voulait absolument le faire exister, le faire montrer et avoir en fait cette. ce final où on voit normalement la créature à la deuxième minute. Et à partir de là, avoir un changement où tout d'un coup on se dit « Ah, bah, tout est possible !» parce qu'on nous a tout montré frontalement, donc on peut continuer, on peut aller beaucoup plus loin dans justement l'escalade de tension et de suspense avec cet alligator. Alors attention, question chiante. Est-ce qu'il y a un film que tu considères aujourd'hui comme raté ? Chiant. La réponse facile, c'est... On a dit réponse originale. Oui, on ne va pas non plus poser trop cette question, mais la réponse facile, c'est notre premier film Furia, qui a beaucoup de gros défauts, mais en même temps qui a cette naïveté et ce côté un petit peu romantique qu'on a quand on a 18-20 ans. Où j'ai le sentiment quand même de ne pas avoir été à la hauteur du texte, c'est une nouvelle de Julio Cortázar qui était une nouvelle magnifique. Et donc oui, je pense que ce film-là n'est pas le plus réussi. Au-delà de ça, on a eu un gros problème sur ce film-là, c'est que je vis avec la frustration de jamais avoir vu le film tel qu'il a été écrit. Le film était écrit dans une construction assez compliquée et peut-être pas du tout digeste de flashback. Et on a travaillé avec une monteuse qui était une monteuse ancienne école qui ne comprenait pas comment marchait la vide, c'est-à-dire le montage numérique à l'époque. On était en 98 et en fait elle nous a bouffé tout notre temps de montage. Et quand on s'en est rendu compte et qu'on a dû prendre des décisions parce qu'il n'y avait plus d'argent, on a pu engager une nouvelle monteuse, et cette monteuse avec qui on a travaillé, on a décidé de tout monter dans l'ordre. Et donc on n'a jamais vu le film tel qu'il était écrit. La question, c'est pas tellement de lyncher ou de bâcher un de ces films, c'est vraiment de se dire, est-ce que des leçons, en fait, un truc que tu ne referais plus aujourd'hui parce que tu n'es pas complètement satisfait du résultat avec le recul et qui a évolué aussi ta pratique de réalisateur. C'est pour ça que je ne les regarde pas déjà. Voilà. Pour commencer, je ne revois pas mes films parce que c'est à chaque fois tu vois des choses où tu te dis putain, pourquoi j'ai fait ça. Et des fois tu te fais avoir. J'étais à un autre festival il y a quelques semaines et il y avait une rétrospective de plusieurs de mes films. Et j'ai regardé, j'en ai vu quelques morceaux en fait, et tout de suite j'ai vu des choses où j'ai, en bout de course, j'ai dû accepter d'avaler quelques couleuvres, et c'est dommage. Dans Horns, il y a deux, trois moments où je regrette, parce que je me souviens très bien des scènes telles qu'elles étaient juste avant que j'accepte de les réduire, ou bien des moments où ça a été poussé, ou des moments de voix off qui n'ont pas de sens, parce que c'est une voix off qui a été rajoutée en dernière minute. Donc c'est des petites choses comme ça qui... Après, en général, je vois un petit peu comme ça, quand même, dans les festivals, les films qui reviennent en signature et ceux qui viennent pas, voilà. C'est-à-dire que c'est très très rare qu'on vienne me demander de signer un DVD de Louis Drax. C'est un peu mon petit album à la cithare. Que tu as apporté d'ailleurs pour nous jouer un petit morceau. Exactement. Voilà. Pourtant c'est un film que j'ai pas écrit, mais que j'ai vraiment une grosse grande affection pour, et que j'aime beaucoup à plein d'égards. Mais c'est vrai que revoir ces films, on voit évidemment les erreurs. Des fois, c'est des erreurs énormes, des erreurs de casting, c'est des erreurs de direction, des erreurs de musique, de mixage, de plein de choses. Donc c'est difficile parce qu'en fait, on n'arrête jamais de travailler sur un film. On se balade comme ça dans une ville, et on se dit « Ah tiens, ça c'est bien comme décor, mais le film est déjà fait, donc ça sert à rien. » Alors vraiment, Ping-pong, tu parles de musique. Moi, l'un des trucs que j'ai adoré dans Tension, on va parler que dans Tension, mais j'y pense maintenant parce qu'il est malheureusement disparu trop tôt, c'est François Chanfro, ouais. Qui a fait la musique, qui avait fait la musique à l'intérieur aussi, qui était un compositeur absolument incroyable et qui marque très très fort. C'est-à-dire que dans Tension, on voit bien que la musique, elle n'est pas du tout symphonique, et c'est du bruitage qui, d'un seul coup, c'est presque du sound design en fait. Oui, c'est alors. Il avait signé François Eudes sur sur haute tension, mais sur en fait, il se trouve que toute la musique de haute tension n'est pas une musique qui a été composée pour haute tension. Ouais, non, c'est une musique, en fait, c'est des années de travail pour François, où il a en fait développé deux albums qui devaient sortir sur un truc qui n'a rien à voir avec haute tension, qui était un documentaire sur Yves Saint Laurent. Voilà, donc à quel point la musique peut avoir des, une sorte d'autre vie. Et quand on m'a donné ces deux CD où il y avait cet album, j'ai tout de suite entendu en fait ce que j'avais en tête au moment de l'écriture d'Haute Tension, si bien que on a joué sur le plateau, on l'avait au montage, ça a été une évidence en fait. Vraiment, il y a quelques morceaux qu'il a dû réorchestrer et qu'on a refait un petit peu à la fin du film, mais ça se mariait parfaitement. Écoutez, si vous ne connaissez pas les quelques albums malheureusement posthumes de François Chanfroy qui sont vraiment magnifiques, quand on aime le côté un peu dark ambiant, bruitiste, c'est magnifique. Dans les projets que tu n'as jamais pu faire, est-ce qu'il y en a un que tu regrettes ? Vous avez du temps. On a tout le temps. Non, mais c'est... j'y pense souvent, en fait. C'est vraiment... Il y a les films qu'on fait et qu'on ne regarde plus parce qu'on ne veut pas les regarder. Mais il y a aussi tous les films qu'on n'a pas fait, et il y en a beaucoup. Je pense que c'est comme ça pour tous les réalisateurs. C'est... on passe tellement de temps à les développer, à les écrire, à les préparer parfois, à les designer, à faire la direction artistique, à les caster, que quelque part ils sont à peu près faits dans une sorte d'univers mental, mais ils n'existent pas. Donc en fait c'est des films très personnels, parce qu'il n'y a que, voilà, on les a vus, il y a quelques personnes qui ont travaillé dessus, mais donc il y en a eu beaucoup en fait, il y en a eu beaucoup trop. Il y en a un en particulier, alors il y a le plan de Cité Cobra sur lequel tu as bossé, voilà. Il y a le Charles Burns aussi, tu voulais adapter avec Dave Gaiman. Voilà. Il y en a un en particulier dont tu peux parler. Alors Cobra, c'est évident. Cobra, c'était un rêve, je me souviens pas très bien en 2009 quand un de mes agents m'appelle et me dit dis-moi, Cobra, ça t'intéresse? Voilà, pour moi, Cobra et pour toute une génération de 75, 85, on va dire. C'est une évidence en fait, c'était aussi important que Guerre des Étoiles. Il y avait quelque chose qui était mon univers de science-fiction, il était construit sur Cobra et sur le reste, mais Cobra en France en tout cas, et dans beaucoup de pays du monde, donc on s'est approché vraiment de ça, que le film se fasse. T'avais un casting ? On avait des intérêts, on va dire. Non, je peux pas. Mais Alain Delon. Exactement. J'ai eu la. Non, mais c'était. Il y avait, comment dire, on avait le budget, on avait la distribution, on avait un chef déco qui avait commencé à dessiner tous les décors, on avait dépensé beaucoup, beaucoup d'argent de sur des concept art. On était très, très, très avancé en fait sur le film, et puis tout s'est arrêté sur un changement de direction dans un studio américain où la nouvelle direction a dit attends, personne ne connaît Cobra aux États-Unis, on va pas dépenser 130 millions, c'est un beau budget. Ah ouais, non, de toute façon Cobra on va pas faire voilà. Et après les Gardiens de la Galaxie nous ont pas aidés parce que c'était qu'il y avait quelque chose de très similaire dans l'esprit, et puis Star Wars est revenu, et puis Besson n'a pas aidé non plus derrière. Petit morceau musical, il en parle à un moment, le film Malignant, donc l'opening de la BO du film Malignant, dont on va chroniquer bien sûr pour les coups de cœur, et puis vous conseiller pour ce spécial Halloween. Donc voilà, vous allez entendre d'abord la musique et on parlera plus tard du film. Thank you. Eh bien, nous continuons par la dernière partie de l'interview d'Alexandre Aja, qui nous raconte lors de sa masterclass encore beaucoup de choses et beaucoup d'anecdotes comme vous aimez, spécialement pour Radioactive. Sur la colline des yeux, Wes était perdu à la fin du montage du film. Il détestait le film. Il détestait, hein, vraiment. Il est venu voir la première version à Paris. Déjà sur le tournage et sur la préparation, ça avait été compliqué. Et en fait, je comprends aujourd'hui avec du recul, c'était un remake d'un film que lui avait fait. Il y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là. On est sorti de cette première projection à Paris, silence. Lui et les deux autres producteurs étaient genre, quelle catastrophe. C'est terrible. Heureusement qu'on n'a pas dépensé les imprévus, il va falloir retourner toute la fin. Bref, c'était très très très mal parti. Et puis quand on a fait cette projection test, et que les gens ont absolument adoré le film, et qu'il y a eu vraiment des très vocales, et qu'il était dans la salle, il s'est rendu compte qu'il avait perdu pied en fait sur ce qu'il était en train de voir, et que finalement, bah, ce public remettait un petit peu les pendules à l'heure. Et finalement, le film qu'il avait vu à Paris, et le film qui est sorti quasiment, hein, il n'y avait pas de grande différence. Donc c'est toujours ce moment-là. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance jusqu'à aujourd'hui d'avoir toujours reçu un soutien et une aide de ces projections test et donc du public. Et justement, tu as le souvenir du projet test qui t'a fait changer, qui t'a fait prendre conscience que quelque chose n'allait pas et qui a vraiment changé quelque chose de significatif dans un de tes films. Bah, des fois, tu peux pas nier en fait. Quand les gens n'ont pas peur, en fait, le cinéma genre est un cinéma qui, comme la comédie, une projection test d'une comédie que les gens ne rient pas, c'est un problème. Là, c'est la même chose en fait. Si tout d'un coup, tu as mis en place toute une construction pour arriver à un silence, un jump éventuellement, et puis une sorte de petit rire nerveux derrière et que rien ne se passe, c'est qu'il faut retourner au montage. Il y a un exemple que tu peux nous donner là-dessus, le changement que tu aurais fait? Oui, il y en a plein. Sur tous les films, justement, on ajuste. Des fois on va trop loin, des fois on va. Comment dire, c'est. Les projections test, elles sont. J'espère qu'un jour, quelqu'un va pirater les compagnies qui les font pour obtenir tous les résultats, ou justement les résultats vont être publiés parce que je trouve que ce serait très intéressant d'un point de vue cinéphilique d'avoir accès en fait au résultat de toutes ces projections test, de tous ces films qu'on a vus depuis plus de 50 ans. Parce que je pense qu'il y a plein de surprises, il y a plein de choses, il y en a qui sont très connues, évidemment, Twelve Monkeys et Terrigilliam, où le film a failli se faire massacrer parce que les projections test étaient désastreuses et que personne ne comprenait rien au film. Et heureusement qu'ils n'ont pas suivi l'avis du public à ce moment-là. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça qui sont fascinants. Le sixième sens. Le sixième sens, les premières projections du sixième sens se passent formidablement bien. Mais il y a quand même un truc qui retient l'engouement du public, où les gens disent mais c'est pas possible qu'elle se soit jamais rendu compte qu'il était mort, quoi. Désolé pour ceux qui t'ont pas vu. Et s'il y en a encore, si ça existe. Et à ce moment-là, ils se posent la question et ils vont avoir cette petite idée qui va être rajoutée en post-synchro sur le film, où le personnage de James Bond va dire ils ne veulent voir que ce qu'ils veulent voir. Et là, tout d'un coup, tout le monde a eu... Il n'y a plus de problème, en fait. Ils ont réglé... Donc, les projections test aident à trouver, en fait, ces choses de compréhension qui vont nuire au bon déroulement de l'expérience. On va pas tarder à prendre quelques questions, parce qu'on arrive bientôt malheureusement au bout, parce qu'on pourrait rester tout l'après-midi ici, en tout cas moi. Toujours sur France Culture, tu disais... C'est vraiment horrible d'être confronté à ces sollicitations, c'est vraiment un truc vraiment détestable. Il y a vraiment que des enfoirés qui font ça. Tu disais, je pense que le cinéma de genre français est quasi mort, ou du moins agonise. Je suis extrêmement triste et négatif sur cet état où on n'a pas réussi ce que l'Espagne a fait si brillamment. Est-ce que ça a changé? Ou est-ce que tu pourrais redire la même chose? C'est une longue mort. C'est une mort qui est très très très longue. C'est vraiment une sorte de... Ça devient presque comique, en fait. Non, non, non. Heureusement, c'est pas le cas. Heureusement, c'est pas le cas. C'est pas encore évident. Il y a des ouvertures. Il y a beaucoup, beaucoup de tentatives. Il y a toujours ce plafond de verre où on tape sur les 200 ou 300 000 entrées, alors que n'importe quel bon film de genre américain va pouvoir aller chercher le million d'entrées. C'est une sorte de grand mystère. Est-ce que c'est l'environnement, le côté ça se passe en France? Parce que c'est pas la langue, vu que les films sont malheureusement beaucoup encore vus doublés. Donc c'est pas la langue. Est-ce que c'est un style? Est-ce que c'est quelque chose qui fait qu'il y a une sorte d'a priori, même avec une palme d'or, même avec des critiques incroyables, on n'arrive pas à dépasser. Il y a eu des exemples quand même. Le règne animal a presque atteint le million d'entrées, donc c'est possible. En tout cas, il y a plus d'ouverture, ça c'est sûr. Aujourd'hui, par rapport à quand on s'est parlé à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie envie, en fait, d'ouvrir le cinéma de peur à un public plus large. Tu reviendrais tourner en France? Oui, mais j'ai jamais... T'as fait non avec la tête, hein. Non, en fait, j'aimerais beaucoup. Il faut trouver la bonne histoire. Il faut trouver le bon projet, et il y en a. Moi, j'ai jamais vraiment cessé de développer des choses en France. Comme à chaque fois, ça dépend d'un alignement de planète qui n'a pas lieu ou qui voit qu'il y a lieu, voilà. Et puis, c'est toujours, évidemment, un moment où il faut... Mais il y a quelque chose de magnifique en France, qui est évidemment une passion pour le cinéma dans les équipes. Un travail qui est beaucoup plus... que je parlais d'une famille de cinéma, il y a vraiment ce sens-là, que moi j'essaye d'apporter aux États-Unis, mais qui vraiment, là, dans chaque tournage en France, on sent vraiment que les gens travaillent ensemble et font un film ensemble. Et puis, il y a une vraie liberté artistique où on n'a pas à se battre pour chaque plan, parce que le final cut appartient par la loi au réalisateur. Et bien maintenant, nous allons passer au coup de cœur vidéo. Et bien sûr, c'est un spécial Halloween. Donc, j'ai choisi Malignant, dont on a écouté la bande originale tout à l'heure. Alors, Malignant, c'est un film d'horreur américain, coproduit et réalisé par James Wan. D'ailleurs, Alexandre Aja en parle à un moment. Et donc, c'est un film qui est sorti en 2021. Alors, c'est l'histoire de Madison qui commence à avoir des visions qui viennent la hanter, dans lesquelles elle assiste à d'horribles meurtres commis par une entité vicieuse. Et il se pourrait que ce lien avec le meurtrier soit un lien avec son passé. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et commet ces meurtres atroces? Vous le découvrirez en regardant Malignant. Donc, beaucoup d'effets spéciaux. Ça rappelle un peu, par moments, du Cronenberg, hein, puisqu'on est aussi à moitié en milieu hospitalier. Donc, je vous laisse découvrir cette pépite. Je l'ai découvert par hasard. Et lors du festival, justement, avec certains festivaliers, on a parlé de ce film entre nous. Certains l'avaient vu, certains l'adorent, d'autres trouvent que c'est plus nanar. À vous de vous faire une opinion, comme d'habitude. Mais c'est un peu flippant, quand même. Mon coup de cœur rétro. Alors là, on part dans le rétro, puisque c'est La Malédiction d'Arkham, de Haunted Palace, un film fantastique américain de Roger Corman. Roger Corman, c'était un des cinéastes très prolifiques de ces années-là, qui est sorti en 63 et qui est inspiré du roman L'affaire Charles Dexter Ward, The Case of Charles Dexter Ward, d'H.P. Lovecraft, hein, donc un grand de la littérature fantastique, et du poème Le Palais Hanté d'Edgar Allan Poe. Donc voilà, ça vous situe un petit peu l'ambiance. Donc ça se passe en 1765 à Arkham. Joseph Kerwin, joué par le grand acteur Vincent Price, un spécialiste des films de fantastique et horreur, qui s'apprête à offrir une jeune femme à Yoff Sogoff. Ceux qui connaissent Cthulhu savent que c'est un des dieux qui ont disparu, hein, les grands anciens, ce qu'on appelle. Et donc, cette offrande est faite afin que Yov Sogov se reproduise. Et il est empêché par une foule de faire ce sacrifice et il décide à son tour de le brûler, l'immoler et de l'attacher à un arbre. Et il jure, avant de mourir, de revenir se venger. On repasse quelques années, même un siècle plus tard, dans les années 70, 1870, Charles Dexter Ward, interprété aussi par Vincent Price, est marié à Anne, qui est jouée par l'actrice Debra Padgett, hein, une actrice qui était très en vogue à l'époque. Donc, ils arrivent à Arkham pour prendre possession de l'héritage de son ancêtre, le fameux Curwen. Ward est fasciné par un portrait de son ancêtre et par leur ressemblance. Le portrait est en fait la porte utilisée par l'âme de Curwen pour revenir et s'emparer du corps de Ward. L'ancien assistant de Curwen, qui s'appelle Simon Horn, joué par Lon Chaney, aussi un grand spécialiste des films d'horreur, reprend alors du service et apporte le Necronomicon, le fameux livre des morts, à son maître afin qu'il puisse reprendre les invocations en vue de créer une race hybride. Il tente cependant d'éloigner l'épouse de son descendant, qui refuse de partir et d'abandonner son mari, qu'elle cède quelque part dans le corps possédé. Curwen entreprend alors de se venger des descendants de ceux qui l'ont brûlé vif en les immolant à son tour. Il ressuscite ensuite sa maîtresse morte depuis un siècle à l'aide de son grimoire, puis il attache Anne au même autel de sacrifice que dans la première scène et entreprend bien sûr d'invoquer Yov Sogov avec ce fameux livre des morts qui est le Necronomicon. À nouveau, une foule de villageois va attaquer le manoir, bien décidé à le brûler définitivement. Dans l'incendie, le portrait est détruit. Le lien entre Curwen et Ward va bien sûr se briser, permettant au couple alors de s'enfuir. Et dans la dernière scène, Ward, appuyé sur l'arbre où son ancêtre a brûlé, affirme qu'il est redevenu lui-même. Cependant, le dernier plan va nous montrer un Vincent Price maquillé comme Curwen et non comme Ward. Donc vous voyez, si vous êtes fan de Cthulhu, de toutes ces ambiances un peu gothiques, horreur gothique, vous pouvez aller voir ce film. Moi, je l'ai vu. Bon, c'est vrai que ça fait un peu plus ancien, mais pour les fans de Cthulhu, comme je le disais, bah, c'est absolument à voir. Donc, vraiment, là, vous avez déjà deux films qui sont bien flippants. Ça peut vous faire une soirée, un thème de soirée d'horreur spéciale Halloween. Eh bien, maintenant, on va passer aux avant-premières et aux événements qui se passent dans nos cinémas tourangeaux. Tout d'abord, bien sûr, comme d'habitude, le CGR Centre. Eh bien, on aura une rétrospective Jean-Luc Godard du 28 octobre au 25 novembre, avec À bout de souffle pour la semaine du 29-10, Le Mépris pour la semaine du 05-11, Pierrot le Fou pour la semaine du 12-11 et on finira avec Une femme est une femme pour la semaine du 19-11. Donc, si vous êtes fan de Godard, vous allez pouvoir vous en mettre plein les yeux. Ensuite, une séance spéciale Retour vers le futur le mercredi 29 octobre à 19h30. Donc, si vous êtes fan de Retour vers le futur, de cette saga, bien c'est, il faut absolument la voir. Sur grand écran, en plus, c'est toujours intéressant. Et puis, bah, comme on sera à Halloween, ce vendredi 31 octobre, bah, L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc ce dessin animé d'animation. Et puis, ça sera à 13h45. Et le soir, bah, vous pourrez voir l'original Massacre à la tronçonneuse en version originale sous-titrée à 20h. Donc, si vous ne l'avez jamais vu ou jamais vu sur grand écran, bah, c'est l'occasion de découvrir ce film de Tobe Hooper qui a enchaîné plein de films qui étaient à l'époque censurés. Bon, moi, je l'ai vu plus tard. C'est vrai que maintenant, on a fait beaucoup plus gore. Mais bon, c'est vrai, quand on sait que c'est tiré d'une histoire vraie, ça fait un peu frissonner légèrement. Mais bon, il y a tous les clichés du film d'horreur, les monstres bien effrayants, humains, hein, cette famille un peu tarée. Et puis, ces filles qui courent en hurlant, bien hystériques. Donc, si vous avez envie de vous faire un petit coup de frayeur, rendez-vous à cette soirée spéciale Halloween au CGR Centre. Mais les studios ne sont pas en reste, puisqu'il y aura aussi le 31 octobre, mais à 19h15, une soirée Halloween avec deux films. Ça sera Evil Dead de Sam Raimi. Alors pareil, un film bien flippant à son époque, hein, avec tout cette espèce de cabane abandonnée. Et justement, on reparle du fameux Necronomicon dans ce film-là. Donc, si vous n'avez pas vu ce film, ça vaut le coup de le voir sur grand écran, bien flippant. Et puis après, il y aura The Ugly Stepsister de Emily Blichfield, qui clôturera la soirée. Donc ça, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous en parler, et vous aurez la chance de découvrir. Comme vous pouvez voir, donc, cette soirée Halloween risque d'être bien fournie dans les cinémas tourangeau. La soirée sera accompagnée d'un blind test spécial musique de films d'horreur, ainsi que de la présence d'un invité d'honneur exceptionnel, le réalisateur Samuel Baudin, qui est entre autres réalisateur de la série Marianne. Donc, vous voyez, hein, il y aura toujours la possibilité, justement, de dialoguer. C'est toujours sympa de dialoguer et d'avoir des réalisateurs qui vous parlent de leur goût. Hein. Là, nous, aujourd'hui, la chance, on a vu d'avoir Alexandre Aja qui nous dévoile un peu ce qu'il aime bien, ses styles. Ben, les inspirations, c'est toujours sympa de les avoir. Après, on peut mieux décoder les œuvres de chacun. Et puis, toute chose différente, le soirée Tarantino, le 1er novembre à 18h15, avec Pulp Fiction et Kill Bill 1. Donc, si vous aimez Tarantino et que vous avez loupé ses films sur grand écran, bah, c'est le moment de se rattraper. Le 13 novembre à 19h45, un autre festival, le Festival des Utopies Réelles, qui raconte avec 7 documentaires de création et 7 rencontres grand public entre cinéastes et chercheurs en sciences humaines, comment s'engager dans la bataille ou non d'un futur plus désirable. Donc, plein de films doc sur des sujets d'actualité avec leurs réalisateurs qui sont souvent, oui, des scientifiques ou des chercheurs. Donc, ce dialogue permet aussi de voir, oui, comment on imagine la société du futur, qu'on va voir à travers leurs yeux. Et puis, nous, un peu, donner notre ressenti. Donc, je vous encourage à aller vers ces rencontres. Et bien sûr, pour retrouver tous les films à l'écran et les horaires des cinémas CGR, Centre de Tours et Studio, eh bien, il vous suffit d'aller cliquer sur leur site respectif, donc les sites de nos partenaires, et vous trouverez tous les horaires, les films et les détails. Enfin, nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage 241 spécial Alexandre Aja et Halloween 2025. Un grand merci au Festival Mauvais Tour et ses organisateurs qui nous ont permis des rencontres et interviews des réalisateurs, spécialement Alexandre Aja ici, qui a été très sympathique. Vous verrez dans le spécial Cinéphage Mauvais Tour une autre interview de ce réalisateur qu'il m'a accordé à la suite du masterclass. Un grand merci à Vincent à la technique qui n'était pas avec moi cette année au festival, mais l'année dernière il en avait couvert en partie. Et puis, vous trouverez dans ce cinéphage un petit peu un complément d'Halloween, puisqu'on parle bien sûr de films de genre, dont certains d'horreur, mais pas que. Donc on gardera ce petit scoop pour vous. Là, j'ai juste parlé, je ne vous ai pas dit qui sera, qui on interviewera. Vous découvrirez ça donc, dans ce fameux cinéphage spécial Mauvais Tour. Nous voici bientôt arrivés à la fin, mais d'abord, vous pourrez voir Cérivore, si vous aimez les séries avec nous. Et puis, bien sûr, réécouter les cinéphages et les Cérivores. Vous pouvez les écouter en podcast sur notre Facebook, mais aussi, très important, sur notre nouveau site www.radioactivefm.fr. C'est tout beau, tout neuf. N'hésitez pas, vous pourrez voir et réécouter les émissions. Et puis, il n'y a pas que le cinéma, il y a plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à aller écouter les émissions des collègues de Radioactive. Et puis, bien sûr, si vous avez envie d'être invité à l'émission Cinéphage, vous n'hésitez pas à contacter la radio et qui se fera un plaisir de vous orienter vers moi. Et puis après, ensemble, on décidera du sujet, du thème. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir avec moi les films qui jalonnent ce genre. Et enfin, quoi de mieux que de vous inciter à continuer à écouter Radioactive. Mais en attendant, continuez à dévorer et films, mais aussi BO, sans modération. Bye bye les cinéphages.